Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 5. Vers une impasse dans la médiation politique au Burkina. L'opposition continue d'exiger un mandat signé des mains du président du Faso, 7 mars 2014. C'est le lundi 10 mars prochain que doivent reprendre les pourparlers entre l'opposition et la majorité présidentielle au Burkina Faso. Ces négociations entrent dans le cadre de la médiation dirigée par l'ancien président burkinabé, Jean-Baptiste Ouédraogo, pour tenter de régler la crise politique dans le pays. Mais ces négociations ont-elles vraiment une chance d'aboutir, jeudi? L'opposition a insisté pour que la majorité présidentielle produise un mandat signé des mains du président du Faso. Pour Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, il n'est pas question de poursuivre ces négociations sans la prise en compte de cette demande. Lundi matin, si nous allons à la rencontre et qu'ils ne sont pas en mesure de produire un mandat du chef de l'État, la réunion ne durera pas plus de 3 minutes, a-t-il déclaré Mathias Morouba à la VOA. Dans ces conditions, ce n'est pas possible d'organiser des élections en Centrafrique, le président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme et l'invité de la Voix de l'Amérique. Il explique que sans armée ni justice fonctionnelle, le scrutin présidentiel 2015 est impossible à organiser alors que près d'1 million de personnes sont déplacées suite au conflit. 7 mars 2014, dans sa déclaration devant le Conseil de sécurité, le ministre centrafricain des Affaires étrangères, Toussaint Kongo Doudou, a expliqué que les milices soudanaises Janjaweed sont impliquées dans les abus commis par les ex-éléments de la Seleka. Confirmez-vous, Mathias Morouba, nous savons que des Janjaweed sont venus du Darfour. Ce sont des Soudanais qui ont fortement appuyé la Seleka. Il y a notamment un général Moussa qui a agi dans Bangui. Il y a aussi des Soudanais qui ont opéré à Yalok aujourd'hui. Ces Soudanais ne sont plus dans la capitale. Ils se sont retirés dans le nord et nous ne savons pas ce qu'ils préparent. Antonio Guterres, qui dirige le HCR, parle de « nettoyage ethnique » en Centrafrique. Est-ce votre avis, Mathias Morouba? Il faut nuancer, on ne peut pas parler de nettoyage ethnique. Il n'y a pas une ethnie qui s'appelle musulman en Centrafrique, c'est une confession religieuse. Nous avons constaté que certains belligérants ont procédé à des attaques ciblées et des musulmans ont été obligés de quitter le pays. Certains éléments de la Seleka ont aussi commis des actes de ce genre. Cela a mis à mal la quiétude centrafricaine. Est-ce que les autorités centrafricaines sont à la hauteur pour faire face à l'insécurité? Mathias Morouba, soyons réalistes. L'État centrafricain est en mal de sécuriser l'ensemble du pays. L'armée n'en a que le nom et n'a pas les moyens pour faire ses missions. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale est intervenue après la mort d'un juge il y a quelques mois. Les professionnels du droit étaient descendus dans la rue. Quelle est aujourd'hui la situation en Centrafrique, Mathias Morouba? Nous regrettons l'assassinat de Modeste Bria, directeur général des services judiciaires. Ce qui lui est arrivé nous interpelle tous. Il n'y a pas de sécurité chez nous. N'importe qui peut avoir des grenades lors des audiences. Il faut mettre la chaîne pénale en marche dans ces conditions. Comment organiser des élections en février 2015, Mathias Morouba? Les élections sont un processus. Il doit commencer par l'identification des électeurs aujourd'hui. Ces électeurs sont dans la nature, d'autres sont à l'étranger. Comment voulez-vous organiser des élections dans une insécurité totale, où le pays est quasiment divisé en deux? Je ne peux pas dire que nous sommes prêts à organiser ces élections, ce n'est pas réaliste. C'est pour cela qu'il faut une force onusienne pour imposer la paix à tout le monde, vous connaissez bien le cas de Jean-Pierre Bemba qui est actuellement jugé par la CPI. Quel parallèle faites-vous entre les événements de 2002 à 2003 et la situation actuelle en Centrafrique? Mathias Morouba, juger Jean-Pierre Bemba est une chose mais cela ne suffit pas. Il y a d'autres acteurs centrafricains qui n'ont toujours pas été inquiétés, la CPI doit aussi les juger. Aujourd'hui, on retrouve parmi les présumés auteurs des événements actuels, les auteurs des crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés en 2002 à 2003. Les gens pensent que l'impunité devient la règle, propos recueillis par Nicolas Pinault, Soudan. Les États-Unis condamnent les récentes exactions au Darfour, 9 mars 2014. Le gouvernement américain a appelé le Soudan à empêcher les exactions des combattants soutenus par le gouvernement au Darfour. Le département d'État a condamné samedi les attaques contre les civils dans cette région de l'Ouest soudanais. La porte-parole du département d'État, Jen Psaki, a publié samedi une déclaration accusant les forces rapides de soutien, une milice pro-gouvernementale du Darfour, d'avoir incendié des maisons à l'extérieur de la ville de Niala, dans le sud-ouest du pays. Le 27 février dernier, l'attaque avait fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Madame Psaki a aussi condamné la campagne de bombardement aérien menée par Khartoum et appelé les autorités soudanaises à autoriser les casques bleus à enquêter sur ces incidents. La Gambie rejette l'anglais, l'Afrique du Sud introduit le mandarin. Le président Yahya Jammeh a affirmé ne plus croire qu'il faut parler la langue de Shakespeare pour faire partie du gouvernement. 10 mars 2014, la Gambie a annoncé que la langue officielle ne sera plus l'anglais. L'annonce intervient quelques mois après le retrait du pays du Commonwealth, mais aussi après les critiques du Royaume-Uni contre la Gambie en matière de respect des droits de la personne. L'Afrique du Sud, de son côté, va introduire, non sans critique, le mandarin dans certaines écoles. Pour décortiquer ces deux cas de figure diamétralement opposés, Jacques Aristide a contacté le professeur Jérémy Quadio, expert ivoirien en politique linguistique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le chef de l'État gambien, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire en 1994, a déclaré vouloir mettre en place une nouvelle politique de langue. Nous ne souscrivons plus à l'idée que pour faire partie du gouvernement, il vous faut parler anglais, nous devrions parler notre langue, a déclaré le président Yahya Jammeh lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau juge en chef de la Gambie, laquelle a été diffusée vendredi sur la chaîne de télévision d'État. La nation ouest-africaine de 1,8 million d'habitants a annoncé il y a quelques mois son retrait du Commonwealth. Un bloc composé de 54 pays, principalement d'anciennes colonies britanniques, Banjul affirmant ne plus vouloir faire partie d'une quelconque institution néocoloniale. Le Royaume-Uni a récemment averti ses citoyens de la rhétorique anti-britannique du président qui, l'an dernier, a accusé l'ancienne puissance coloniale et les États-Unis de fomenter des tentatives de coup d'État en Gambie. Ce qu'ont rejeté en bloc Londres et Washington, Banjul a aussi été critiqué par le Royaume-Uni pour des violations présumées des droits de l'homme, y compris l'exécution de 9 condamnés à mort en août 2012. Ils avaient été fusillés par un peloton d'exécution. Des défenseurs des droits de la personne comme Amnesty International ont également tiré à boulet rouge sur le régime de Jammeh pour des abus allégués notamment contre des opposants politiques et des minorités sexuelles. Le mandarin en Afrique du Sud. Ailleurs sur le continent, l'Afrique du Sud, elle, veut promouvoir le mandarin, le chinois simplifié. Son ministre de l'Éducation a signifié son intention d'introduire cette langue dans le cursus scolaire. La décision s'inscrit dans le cadre des efforts sud-africains de se rapprocher davantage de son principal partenaire commercial qu'est la Chine. L'annonce a provoqué des réactions mitigées. L'Afrique du Sud compte déjà 11 langues officielles. Un accord bilatéral entre Pretoria et Pékin, qui a été paraphé ce mois-ci, porte sur 5 domaines de coopération: le développement de programmes d'études, les mathématiques et les sciences, la formation des enseignants, la formation professionnelle, et la recherche et le développement dans le secteur éducatif. Pour le porte-parole du ministère de l'Éducation, Troy Martins, il s'agit d'un nouveau partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Bien que les autorités n'aient pas révélé le coût du projet, les sentiments par rapport à la Chine sont plutôt mitigés en Afrique du Sud. Une étude réalisée l'année dernière par le Pew Research Center, un think tank américain, a montré que 46% des Sud-Africains n'acceptaient pas la diffusion des idées des coutumes chinoises dans leur pays. 60% d'entre eux avaient dit ne pas apprécier la musique, les films et la télévision chinois. Mais Monsieur Martins a déclaré que c'est la demande pour le mandarin qui l'emporte sur les sentiments, ajoutant que c'est une excellente occasion pour les étudiants sud-africains d'apprendre une nouvelle langue internationale. Le choix sera aussi donné aux écoles qui veulent l'enseigner et aux étudiants qui veulent l'apprendre. Car, a conclu M. Martins, le mandarin ne sera pas obligatoire en Afrique du Sud.